blasphémement au son clair des grillons. Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon. Dans le tourbillon de la vie qui fait que l'on oublie qu'on est resté des mômes bien au fond de nos abris. Je veux traverser les océans, devenir Monte Cristo, au clair de lune m'échapper de la citadelle. Je veux devenir roi des marécages, me sortir de ma cage. Je lui soleil, rien que du soleil.